Blockbuster à 6h56 sur Inter. Ce qu'il y a de bien avec vous, Frédéric, c'est que vous êtes prévisible finalement. Donc ce matin, vous allez nous parler de quoi ? Black Panther, Wakanda Forever. Oui Laetitia, je suis un peu comme les augmentations du prix de l'énergie ou Cyril Hanouna qui insulte quelqu'un. Je suis effectivement très prévisible. D'autant que je l'avoue, aux grandes dames des cinéphiles qui se caressent avec des Blu-ray de Terrence Malick, Black Panther est un de mes films favoris produits par les studios Marvel. Fashion Police, là, qui m'attend comme ça à la sortie de la maison de la radio. Vous ne mourrez jamais. Et non, Clément, non, Anthony, ce film ne me plaît pas uniquement parce qu'il y a des noirs à l'écran. Parce qu'à ce compte-là, je pourrais dire que le Cosby Show est ce qui est arrivé de mieux à la télévision. Si Black Panther m'a tant plu, c'est moins pour sa représentativité, la manière peut-être naïve et fantasmée de dépeindre un pays d'Afrique non colonisé, le Wakanda, ses effets spéciaux approximatifs ou son scénario générique, que pour sa capacité à présenter une galerie de personnages féminins forts qui tenaient la dragée haute au personnage principal incarné par le regretté Chadwick Boseman. L'afroféminisme de Black Panther est presque plus important pour moi que sa représentation des Afro-Américains. Là où Iron Man ou Thor, pour ne citer qu'eux, ont toujours été une variation classique du héros traditionnel blanc, américain, un beau gosse plein d'humour, roublard et séducteur, le héros de Black Panther se montrait posé, empreint d'une noblesse régalienne teintée d'une timidité, capable de consulter et même de s'effacer sans honte aucune derrière des actrices hallucinantes telles qu'Angela Bassett, Danai Gurirai ou Lupita Nyong'o. Chose encore plus rare, non seulement il respectait son adversaire, le terriblement charismatique Michael B. Jordan, mais il embrassait même à la fin certains de ses points de vue. Et qu'on ne s'y trompe pas, ça n'était pas un manque de présence de son acteur Chadwick Boseman, mais bien une volonté de sa part d'écrire une nouvelle forme de masculinité à l'écran. Déjà conscient de sa fin imminente, sans pour autant l'avoir révélé à ses partenaires, Chadwick Boseman savait que ce Black Panther et le Wakanda pouvaient devenir dans l'inconscient collectif, pour toute une génération de petits garçons et de petites filles noires, quelque chose d'important. En ce sens, oui, Black Panther, premier du nom, était un film hyper woke. Et d'ailleurs, le film a été nommé dans 7 catégories pour les Oscars en 2019. Oui, alors ça, Laetitia, même si on sent bien la machine Disney derrière, on sent qu'ils ont très vite compris que représentativité rimait avec rentabilité. Mais peu importe, au fond, il faut réaliser qu'en seulement 4 apparitions, Black Panther est devenu pour le grand public un super-héros capable de déchaîner les foules à chaque fois qu'il apparaît. Pas un seul jeu vidéo, pas un seul comic book estampillé Avengers depuis qui ne fasse pas la part belle au monarque africain créé par Stan Lee et Jack Kirby. Pour un personnage qui se veut être le garant d'une résistance à l'impérialisme colonisateur occidental, c'est pas mal. Et ça en dit long sur les fractures internes qui existent dans ce même Occident. Mais là, et j'arrive aux larmes, Chadwick Boseman est mort d'une grave maladie avant même le tournage de Black Panther 2. Oui, Laetitia, et Kevin Feige, le producteur de Marvel Studios, a fait le choix salutaire de ne pas le remplacer et d'assumer, dans la continuité du film, sa disparition. Un choix lourd de conséquences, car dans un univers qui nous balance depuis plusieurs années, des univers parallèles, qui nous parle dans plusieurs séries, d'un monde où on peut avoir 3 Spider-Man, 19 Doctor Strange interchangeables, et où la mort et les enjeux ne signifient désormais plus rien, le réel vient de nous rappeler qu'un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Alors, est-ce que le film, au final, Wakanda Forever, se remet de la disparition de Chadwick Boseman ? Eh bien, c'est tout l'enjeu et le sujet du film, et je dirais que ce Black Panther 2 est en quelque sorte une cérémonie funéraire émouvante de plus de 2 heures d'un acteur et du personnage qu'il incarne. Une cérémonie qui, une fois de plus, met des actrices noires magnifiques de talent au premier plan. Black Panther 2 avait la lourde tâche d'honorer la mémoire d'un acteur fauché trop tôt, poursuivre son évocation des cicatrices et de la colonisation dans le cadre d'un film de super-héros, tout en posant les bases de tant de séries et de films à venir chez Marvel Studios. Alors vous allez me dire, ça fait beaucoup pour un film. On peut critiquer l'exercice, mais on peut aussi, comme je vais le faire tout de suite maintenant, dire que Ryan Coogler a réussi l'impossible, assurer le show, sans cacher sa peine, et pour ça, chapeau bas. Merci Frédéric Sigrid.